Le vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, s'est enquis sur place des travaux de réaménagement du palais du Taekwondo. Il a fait le tour de divers endroits du chantier pour encourager les bâtisseurs et délibérer sur des mesures pour améliorer la qualité de la construction et achever les travaux dans un court délai pour la réussite du 20e championnat mondial du Taekwondo.